Radiomatic. Il s'agissait à Audiomatic de l'artiste suédoise Karin Dreyer, qui faisait partie avec son frère du duo The Knife et qui est derrière le projet Fever Ray. De ce projet, nous entendions la chanson This Country Makes It Hard to Fuck, ici remixée par nul autre que Björk. On peut entre autres retrouver cette version sur l'album Plunge Remix, qui bien sûr comprend des versions remixées de pièces apparaissant sur le deuxième album de Fever Ray, intitulé Plunge, et lancé en 2017. C'est en compagnie de l'artiste Robert Logan que les sonoristes ont décidé de poursuivre cette transmission 355 d'Audiomatic. Thank you. Cette séquence de deux pièces à Audiomatique se terminait sur la musique du projet belge This Mornomina, de qui nous écoutions la pièce Toltec du disque intitulé Le Serpent Blanc, qui fait partie d'un album double comportant également un autre disque intitulé Le Serpent Rouge. Avant This Mornomina, nous entendions une composition de l'artiste Robert Logan, soit Binary Star, tirée de son album Sculptor Galaxy, paru en 2017. Maintenant, à Audiomatic, nous vous présenterons une pièce posthume du regretté DJ algérien Chib Issaba, qu'il a composée en collaboration avec Peter Murphy. À Audiomatic, nous vous avons offert un extrait du tout dernier album d'Eric Hilton, qui est mieux connu en tant que membre de Thievery Corporation. Son nouvel album paraîtra officiellement le 20 août prochain et s'intitule Ceremony. De cet album, nous vous avons fait jouer la pièce de clôture Fade Into Forever. Précédemment, à Eric Hilton, nous entendions le projet allemand AGJA, et sa composition Der Junge Falke, qui est tirée du mini-album du même titre, qui comprend différentes versions remixées de la pièce. Et pour débuter, c'était une collaboration entre le regretté DJ algérien Cheb Issaba et le chanteur britannique Peter Murphy qui ont composé la pièce Keep Coming Back, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Azam Ali, qui fait aussi partie du groupe Niyaz. La version que vous avez entendue a été remixée d'ailleurs par Azam Ali. Et c'est sur la musique du projet Quantic que se poursuit Audiomatic. Different ancient tribes. Now We're both almost extinct. But sometimes, you gotta stick with the ancient ways. Old school ways. Are you understanding? Pensarlo menos, quizás debo soltar. soltar mi mano. Empezar de nuevo. Paso por el fuego, paso por el fuego, paso por el fuego, paso por el fuego, paso por el fuego. Quizás paso por el fuego, debo pensar no menos. Paso por el fuego, paso por el fuego, quizás debo soltarme más. Paso por el fuego, quizás si paso por el fuego. Paso por el fuego, quizás puedo empezar de nuevo. Paso por el fuego, paso por el fuego. Quiero verla volar. Paso por el fuego, paso por el fuego, paso por el fuego. Nous écoutions à l'instant la musique du projet guatémaltèque D-Life, accompagné de la chanteuse costaricaine Mafe Tula, qui nous livraient ensemble la pièce Paso por el Fuego, publiée notamment sur la compilation Echo, produite en format numérique par l'étiquette Chica Chica. Avant cela, nous entendions la pièce Gutted, tirée du premier album du projet Burial, paru en 2006, et c'était un album homonyme. Et pour commencer, c'était Quantic et sa pièce The Picture Inside, apparaissant sur son premier album The Fifth Exotic, sorti en 2001. Nous mettrons un terme à cette transmission 355 d'Audiomatic avec Kazu Makino, qui est la chanteuse de la formation Blonde Redhead et qui œuvre en solo simplement sous le pseudonyme de Kazu. De son premier et seul album Adult Baby, lancé en 2019, nous écouterons la chanson Meo. Les sonoristes prendront le temps de bien préparer la transmission 356 d'Audiomatic afin de pouvoir alimenter les ondes de la radio CFOU 89.1 FM entre 17h et 18h mercredi prochain, pour ensuite déposer cette heure de musique et de son dans les environnements numériques pour une écoute en différé, accessible à travers nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Kazu et la chanson Meo. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Just leave it.